Ce panneau signifie que l'accès à la route d'en face est interdit à tous les véhicules à moteur. Je ne peux donc pas l'emprunter. En revanche, des cyclistes peuvent venir d'en face ou tout autre usager utilisant un moyen de locomotion sans moteur. Réponse B et C.